Un jour tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous nous regarderons, nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, c'est de voleurs qui gardent le bonheur. Nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos armes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jura l'orgue de barbarie. Cette terre sera pour nous la plus beau, la plus jolie. Non, je t'inviterai, ta taille je prendrai. Nous danserons tranquilles, loin de gens de la ville. Nous danserons l'amour, les yeux font les yeux, vers une nuit profonde, vers une fin du monde. Un jour tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons.